nous avions courage. Si seulement nous avions le courage des oiseaux. Thank you. Bureaucrate de la centrale, si le travailleur avait la mauvaise idée de se libérer. Ce n'est pas un hasard. Des légions. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'espérer, faire de la musique comme on le sent, comme on l'a dans le sang. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Interne, externe. Le système. Dedans, dehors, à l'intérieur, à l'extérieur. Oh. Interaction. Pris dehors, pris dehors, sur un tapis. Dans la rue. Pourquoi tu pries ? Nous avons en dedans tout ce qu'il faut.

sensible, donc révolutionnaire. Possibilité d'une contre-attaque.

des émotions. Nous sommes deux pieds sur terre, tête dans les étoiles, deux pieds sur terre, tête dans les étoiles. À cloche-pied, sur quatre roues, TRX. À fond la caisse, dans une Alpine. Rien ne manque au triomphe de cette civilisation. Bon, rien ne manque. Il a terre en politique, il a misère affective. you. Samantha. Je recherche encore ta peau, ta voix, son odeur. Player. Would like a